Le travail, au départ, j'avais écrit tous les arrangements et donc j'ai donné les partitions à tous les musiciens. J'ai travaillé petit à petit comme un pulse. J'ai aimé donner une note humoristique à tout ça par des petits bruitages, des voix un peu bizarres. On me fait nettoyer les chiottes, appliquer le bureau du prof Borne sur ma petite tête d'écolier dernier. Un train de drame, je vais prendre les nerfs. Faut pas me prendre pour la soubrette d'un piquet. Faut toujours que je m'y colle. Quelle colle! Je prendrai ma revanche quand je serai savant. Le petit Einstein un jour deviendra grand. Le petit Einstein un jour deviendra grand. Sur l'ardoise, je totalise, le calcul n'est pas mon trip. Cliné, je passe le temps à marchonner. La craie, collégramme, j'ai le vertige, c'est la journée des 100 lignes. Roll-ball, plus de temps libre pour s'éclater. Ré-cré. Prendrai ma revanche quand je serai savant. Le petit Einstein un jour deviendra grand. Le petit Einstein. J'aimerais faire des choses comme des musiques de films, de la musique un peu expérimentale aussi, de la musique synthétique complètement, des choses comme ça. If you come to me, I never...